C'est la nocturne 100% rap français avec L.I.M. au contrôle. Ouais. Et Violence Urbaine 4 avec un extrait à l'instant. Le morceau. On est là. Le morceau qui s'appelle Illégal. Illégal. Appuie sur le on. Avec L.I.M. et t'es pas le seul d'ailleurs dessus. Bah, on est là, hein, tu sais. Comme je t'ai dit, il y a la plupart de tous les quartiers de France qui sont dessus, hein. Donc ça, c'est un morceau. Avant, on a écouté Séquelles Corporelles. Ouais. Frère de Champigny, des Boulereaux. Grosse dédicace à lui. Sur le CD, il y a aussi Am Semidox. Le frère là-haut du bois. Maintenant, on est là, il y a le frère Dayton qui est avec nous, c'est le morceau qui est passé, on a enregistré ça chez lui, avec lui, il y a le clip qui arrive, s'il a 2-3 mots à dire. Si. Ça va bien? Ouais, ça va, tranquille. Ok, bah vas-y, petite présentation. Moi, c'est Dayton, je suis du collectif Quartier Fédéral, c'est un collectif qui est anciennement créé en 99. Depuis là, j'ai un label de musique, donc KF Music, voilà, donc avec des artistes tels que Ouira. Les deux acariens, je sais pas si ça te parle, voilà. Et donc là, voilà, on est venu soutenir L.I.M., hein, pareil, son projet Volant sur Ben 4. Voilà, ça fait plaisir. Toute patate. Et on te retrouve dessus d'ailleurs. Voilà, exactement. Il y a pas longtemps, là, on a fait un petit freestyle tous ensemble. Il y a le clip qui tourne sur internet. C'est VU4 All Star. Tapez ça sur YouTube. Mais c'est vrai que toi, en plus, maintenant, ça y est, t'es devenu. Tu tweets, tu Facebook. Ça y est, ouais, avant, j'étais un bled man. Maintenant, ça y est, j'ai mon passeport d'internet, mon pote. Ah. Je surfe, je vague, je zigzag. Je fais tout. Tu retweets, tu fais des trucs de dingue, non? Tout, un gros joint et je m'éclate, mon pote. Le problème, c'est que il y a trop de tabac, trop de shit sur le clavier. Eh ben, on peut te suivre où alors pour te suivre, L.I.M.? Bah, L.I.M.92. Non, faut aller sur L.I.M.92 officiel Facebook. L.I.M.92 officiel Twitter. Et voilà. Et donc ça, c'est les bons. C'est les bons. Il y a aussi Samira, tous illicites officiels. Faut faire un tour. Capitaine Kwasi, Abdel Alien. On a toute patate sur Internet. J'ai fait du Tiex aussi. Putain, vous avez oublié. Putain, merde, elle m'en veut pas, super. Il est pas content. Il faut faire grimper les followers. Là. Voilà, on est là. Bah, et là, d'ailleurs, on va enchaîner avec le morceau de Samira sur Violence sur Ben 4. Grosse dédicace à Sam Toussam. Donc, si vous voulez la suivre, il y a son Twitter, hein, qui est dans son Facebook, qui est Samira Tous Illicite Officiel, face de book. Donc, voilà. Plus rien à perdre, c'est plus rien à perdre. Moi j'ai plus rien à faire. Je veux juste m'en sortir. J'ai connu les enfers. Et peut-être que j'ai vécu le pire. Chez nous les petits vendent de l'air. Et les anciens veulent se repentir. Moi j'ai plus rien à faire. Pour rien tu peux partir. Rien à faire, tout à gagner. Mais la haine m'a pas épargné. J'arrive même plus à rêver. Comment veux-tu que je puisse me calmer? Rien n'a changé. Ici on vit avec le danger. Pas facile de se ranger. Moi je vais finir mes jours à danger. J'ai déjà tout perdu. C'est tendu. Même la mort s'est vendue. Les langues se sont pendues. Les espoirs sont tordus. La vie vient reprendre son vieux. Moi j'ai plus rien à faire. Je veux juste m'en sortir. J'ai connu les enfers. Et peut-être que j'ai vécu le pire. Chez nous les petits vendent de l'air. Et les anciens veulent se repentir. Moi j'ai plus rien à faire. Pour rien tu peux partir. De toute façon plus rien m'arrête. J'ai trop de soucis dans la tête. J'ai pas peur de la défaite. J'suis pas venu pour faire la fête. Plus personne est honnête. Même la télé raconte des sommets. Les petits roulent en doublette. Et l'histoire se fait. Ils sont reculés. De toute façon, j'suis parti. J'veux plus reculer. Ici, on pète la rotule. Si tu te mets, ça va fabuler. Ça vend de la coke. Des pilules. Crapulules. Reconnais crapulules. Même en chien, en cellule. Bagarre et fulule. Grosse fenêtre sous fulule. Balle à elle est en guise de matricule. Dans ma bulle, y'a beaucoup trop gay. Normal que depuis petit je me suis mis à zigzaguer. Trop tagué, mon nom dans leur jaune. Amène l'agneau et la reine. j'ai plus rien à faire. Je veux juste m'en sortir. J'ai connu les enfers. Et peut-être que j'ai vécu le pire. J'aime tout ça. J'ai nourri tout vent de l'air. Les sorcières veulent se repentir. Moi j'ai plus rien à faire. Pour rien tu peux partir. Profite de plus de temps. J'ai suivi d'un coup qui l'anonyme. Et tu finis au partir. Rap français 100% explicit lyrics. La nocturne plane autour de Pluton, mes rimes gravitent. C'est cassère comme une taille de Yeni Raki. Charge le 9, si l'ennemi rapplique. N'hésite pas à tirer dans les jambes, on évitera le pire. Alpha Echo bloqué dans Scarface. 1, 2, 3 verres, mes yeux partent de travers. On écarte les deux bords à coups de pillée de biche. Pété, je te claque en 2 secondes comme un billet de 10. Gaddafi jour de bouche, jamais à 4, pas trop frais. Braque là, ce qui est gros, gratte pas de ce pied. Une liasse de 500 et tous mes soucis partent. Je ferai de balance. Ouais, tout se passe, y'a trop de traite de faux. Serre le verre de trop, des faces réfléchies et un bête de flot. J'ai pour mission les prendre en missionnaire. Être millionnaire à perte de vue, des yébis violets. Clic, clic, c'est cliché, mon vermeil, bon, c'est vrai. J'ai dans le crime, paye mais trop cher contre le sommet. On fume, même le cul de la vieille. Sans le bitume, mon père non plus à cause de l'oseille. On fait des merveilles, on veut tous finir nos jours au soleil. Avec la bite dans le cul de Mireille. C'est précis comme l'examen d'un cancer. C'est classé, casse-toi le monde. J'arrive à tout sans c'est sincère. À quoi écoute-tu, j'lâche une trace de pneu. À fond au périple, j'me roule à joint de bœuf. Ici c'est indiqué sur le GPS. Le nom maté ici, un peu de brouillard. J'ai sa place à mon FC, le vœu. J'accompagne au moqueur. Putain, avec le feu toujours foncé. J'atterris sur Neptune. Un rap sale, authentique, porte l'autotune. J'ressemble à un gremlin, taillé comme un monstre. Ça me fout le capa de voir mes potes finir au placard. En mode AK-47 comme Lutza Genza. Père de Carrera, jamais en mode Hadra. Plane comme un drone, assez cassère pour créer le drame, rouillard. J'fais pas chance dans ma langue, mon chien. Clic, clic, c'est cliché, mon vermeil, bon, c'est vrai. J'ai dans le green, paye mes gros chers contre le sommeil. On fume, même le cul de la vieille. Sans le bitume, mon père non plus ma cause de l'oseille. On fait des merveilles, on veut tous finir nos jours au soleil. Avec la pute dans le cul de Mireille. C'est la haine, c'est pour ça qu'un dur on charbonne. Du 9-2 au 9-3, tout ce qu'on veut négro c'est la somme. J'pèse le FM, ma bite dans la bouche à Marine. J'fais confiance à mes potes, à mes couilles et à Marine. Au volant de mon client, je l'esquisse et pute en bleu marine. Au fond je suis un voyou, mais je veux pas caler comme mes screens. Je cherche la monnaie, à ça je veux bien être abonné. Des mandats, il en faut pour tous nos frères emprisonnés. C'est pour Fleury, Philpott, Nanterre et la santé. Drive, pas et lyrical, sur ce pitch j'ai rien laissé flow. Smith et Wesson, je déconseille de t'y frotter. Clichy la faux faux featuring Boulogne, Poncef. C'est que le début pour m'arrêter, faut que tu m'achèves. Ça va trop vite, compare notre musique à la cesse. C'est pour cadaver tous les mecs en bas du tech. J'suis pavé la forêt, c'est GDA, juste un jeu crèverai. Clic, clic, c'est cliché, mon vermeil, bon, c'est vrai. J'ai dans le crime, paye mes gros chers contre le sommeil. On fume, même le cul de la vieille. Sans le bitume, mon père non plus ma cause de l'oseille. On fait des merveilles, on veut tous finir nos jours au soleil. Avec la pute dans le cul de Mireille. Y'a des flics et des traîtres, on va se les faire. Du bouffler au cachère, y'a que mon joint qui peut me monter en l'air. Si retable les lèvres, mes crabes, par les culs de veille. Ouais, ma gueule au check, y'a rien que des soldats sont les élèves, pour bouler une peau de sève. Glichy mon fermé, et ouais, ma gueule, y'a que pour le pif que mes frères se réveillent. Pour qu'elle a la gueule trop, j'suis m'en péter le cerveau. J'en place une pour Guelmo, mousse dé. Comme le peuple, j'suis fonce dé, demande à saouler. J'en mets pas, y'a que ouais, j'peux me permettre de rouler. C'est pour le 3-9-2, envoie ton car que j'me fasse à joint de bœuf. Les erreurs, c'est comme les menaces, une fois et fois deux. Faut que les hypocrites, si leurs paroles seraient des bas, j'aurais des trous plein d'eau. Vos restes pas vélas, les transactions sont toujours à huis clos. On croit connaître la rue, on la connaît pas mieux que la charte, on la connaît pas mieux que la charte. Clic, clic, c'est cliché, mon vermeil, bon, c'est vrai. J'ai dans le crime, paye mes gros chers contre le sommeil. On fume, même le cul de la vieille. Et tu mon père non plus ma cause de l'oseille. On fait des merveilles, on veut tous finir nos jours au soleil. Avec la pute dans le cul de Mireille. Planète rap 100% explicite. Tous les lions, tel qu'à ça tous mes frères qui dès le matin se carbonne. Nique sa mère la rêve, plus tu cibles, rien m'étonne. Même les petites pistons, on a rien, on se gâtonne. On a tous le même but, faire du pif en kéton. Ouais, ouais, ouais. De l'ancien Ben Man, écoute ça. Dédicace au Rasta Kaya Man. Rastafari. Volumon. Bouh. Lion. Non, faut pas faire ça pour casser sa vie. Non, faut pas faire ça pour casser sa vie. Non, faut pas faire ça pour casser sa vie. Non, depuis tout petit, c'est la police que je fuis. Non, faut pas faire ça pour casser sa vie. Non, faut pas faire ça pour casser sa vie. Non, faut pas faire ça pour casser sa vie. Non, depuis tout petit, c'est la police. On m'a dit qu'à peine la santé fleurie. On m'a dit qu'à peine la santé fleurie. Que la piraterie conduit à bois d'acide. Que la piraterie conduit à bois d'acide. Yeah man, GCLT, anti-poucave quand même tu sais. Que des charbonneurs en mode voile ou crassie. Force et honneur aux mères de famille. Force et honneur aux mères de famille. J'ai jamais balance même mon pire ennemi. J'ai jamais balance même mon pire ennemi. Moi devant la juge j'ai toujours menti. Moi devant la juge j'ai toujours menti. Mad Buzz, j'suis Capitaine Lion. BBM. Faut pas faire ça pour casser sa vie. Non, faut pas faire ça pour casser sa vie. Non, faut pas faire ça pour casser sa vie. Depuis tout petit c'est la police que je fuis. Non, faut pas faire ça pour casser sa vie. Non, faut pas faire ça pour casser sa vie. Non, faut pas faire ça pour casser sa vie. Depuis tout petit c'est la police que je fuis. Je pourrais tout faire du lundi au lundi. Je pourrais tout faire du lundi au lundi. T'inquiète, t'inquiète. Quand grandit les petits, chez nous trop vite, quand grandit les petits. Violon sur peine dans toutes les tessies. Violon sur peine dans Rastaman. Caroline voyage des Antilles à Paris. Caroline voyage des Antilles à Paris. Quand de violence habite nos quartiers, c'est souvent l'insolence qui. Ouais, ouais, Mehdi, ça dit quoi? C'est toujours l'arrogance qui nous a incité. Dans des états d'urgence, affirme la densité. Tu n'es dans les démences qui nous a habité. Et cela depuis l'enfance. Fantôme Dédé la merveille. Donc on va faire ça pour casser sa vie. Donc on va faire ça pour casser sa vie. Donc on va faire ça pour casser sa vie. Depuis tout petit c'est la police que je fuis. Donc on va faire ça pour casser sa vie. Donc on va faire ça pour casser sa vie. Bien, dédicace la ferme, petit Jimmy, on dit quoi? Depuis tout petit c'est la police. À la Darren aussi. Dédicace à tous mes frères qui dès le matin se carbonnent. Nique sa mère la haine des petits cibles, rien m'étonne. Même les petits pistons, on a rien, on se gâtonne. On a tous le même but, faire du pif en kéton. J'suis Capitaine Lion. Violence urbaine 4 avec Captain Kwasi qui est là aussi avec nous. Ouais, ouais, ouais. Là, ce soir dans l'émission, dans la nocturne 100% rap français. Voilà, notre Rasta Kairaman. Il est là, Captain Kwasi. Le morceau, c'est non, hein, ce qu'on écoutait à l'instant. Voilà, ouais, c'est un morceau anti-poucave. C'est Violence urbaine, hein, tu sais. Violence urbaine 4, Captain Kwasi qui est là aussi ce soir avec beaucoup de monde dans voilà, la nocturne 100% rap français. Voilà, il est là avec nous, il prépare son truc. Ouais. On va enchaîner aussi avec le morceau de Moha Vagabond. Ouais, Moha. C'est un petit morceau, hein. C'est un petit morceau, c'est un couplet express. C'est un petit couplet express, en fait. Le micro là-bas, parle un peu, dis bonjour. Bonjour à la France, bonjour à l'Albled. Et on mettra un morceau qui s'appelle Ma Peau aussi, c'est ça, hein. Ma Peau de A2S, juste après là, hein, qui est là. Donc voilà quoi, Moha, tu veux dire un petit mot, une dédicace à quelqu'un? Ben voilà, moi c'est Moha le Vagabond. Donc voilà, t'as vu, LIM c'est la famille. Donc voilà, t'as vu, je suis sur Venance Urbaine. Sinon, moi c'est 9K, dédicace au Kremlin Bicêtre, tous les gars de chez WAM là-bas. Aïe, on et je disais ouais. Morceau court hein, pour toi. Hein, ouais, ouais, voilà, t'as vu. Hein. Court, efficace. Court, efficace, rapide. Voilà, exactement. Bon, exactement. C'est après, ce qu'on voilà. Écoute maintenant. C'est ça, on se met ça après le morceau de A2S. T'as une case dédiée à faire, mon poteau. Prends le micro. Dédicace les frères de Terre-Terre. Ouais, on va faire les dédicaces pendant le morceau. Ok. Vas-y, mon pote. Allez. C'est moi, Hal Vagabond, R.I.M. Violence urbaine, P.O.G.A.M. Fais fumer le polaire. C'est moi, Hal Vagabond, R.I.M. Violence urbaine, P.O.G.A.M. Fais fumer le polaire. Seul dans le noir, face à ma feuille blanche. Alcool et chance sont le fruit de ma nuit blanche. Isolé dans mon périmètre, je suis à des kilomètres. Mon esprit s'échappe et grimpe en altimètre. Inconsolable ou bien solvable, je marche seul, jamais redevable. Je peux paraître froid comme un matin glacial. La brume qui brûle le fond de mon cœur et je viens. Le manque de vivre transforme en violence urbaine. Au-dessus de Nirvana, ma vie un suicide comme Kurt Cobain. Calfeutré dans mon paradis obscur, contre mes maux de tête, j'ai besoin d'une cure. Démon griffonné sur un papier froissé, encouragé par la haine parce que les rêves sont cloîtrés. C'est L.I.M. et moi, Hal Vagabond, le sang glacé, couvert de frissons. Rien que ça tourne, on cherche tous à faire les ronds. On a tous trop fait le con, laisse un poids attaché sur un tronc. C'est moi, Hal Vagabond, L.I.M. violence urbaine, P.O.G.A.N. fait fumer pollen. Que je plane, que je les canne, que je les arme. Y'a trop de drames, trop de larmes, trop de calames. Ma vie dans leur cul, la vie est crue. Si t'as vu, c'est tordu, ça pue et on n'en dort plus. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Ok. A2S. Aïe aïe aïe. A2S. Rose. Sur Skype, poto. Street, ma gueule. Big up à L.I.M. Violence sur 24 dans les bacs. Revenez vos MC. Aïe aïe aïe. Game doit se faire du souci. 9-2-3-0. 1. Fin de la rigolade. Zucker libérable. Big up à toi, frérot. Yeah. 20 MC à 2S dans le game. Bientôt ils voudront ma peau. Ils voudront ma place, leur foutrer la haine. Bientôt ils voudront ma peau. Bientôt ils voudront ma peau. Bientôt ils voudront ma peau. Bientôt ils voudront ma peau. Bientôt ils voudront ma peau. 20 MC à 2S dans le game. Bientôt ils voudront ma peau. Ils voudront ma place, leur foutrer la haine. Bientôt ils voudront ma peau. Bientôt ils voudront ma peau, ma peau. Bientôt ils voudront ma peau, ma peau. Bientôt ils voudront ma peau. Un. Bientôt ils voudront ma peau. 1, 2, 3, bastos dans la tempe. 4, 5, 6, Renoir dans ta chambre. Ouais ça y est, dans le rap moi je campe. Normal que toute la concurrence tremble. On m'a dit à ça c'est du trap. T'inquiète pas, ça va faire grave. Ratatatatata, sors le famage. Je sors la calage. On veut des sous pour du Gucci. On veut des sous pour du Prada. Attends dans son lot. À part ça, je veux des sons lourds. Qui te laisse pas assis sur le rinté, repos je pose. Tu vois bien qu'il se passe quelque chose. Pour le rap on aura pas marre quand ta 2-7 sera sur le trône. Respect aux anciens qui charbonnent, qui lâchent rien, du moins qui se la donne. Ma plume te met à l'amende, mes textes t'envoient à l'hosto. Ma plume te met à l'amende, mes textes t'envoient à l'hosto. Mes textes t'envoient à l'hosto. Mes textes t'envoient à l'hosto. Je vais t'aimer si à 2-7 dans le game. Bientôt ils voudront ma peau. Ils voudront ma place, leur pousser la haine. Bientôt ils voudront ma peau. Bientôt ils voudront ma peau. NKZ. Bientôt ils voudront ma peau. C'était Rose, ils voudront ma peau. Bientôt ils voudront ma peau. J'ai un MC à 2-7 dans le game. Bientôt ils voudront ma peau. Ils voudront ma place, leur pousser la haine. Bientôt ils voudront ma peau. Badri, pas crête, ouais ouais ouais. Bientôt ils voudront ma peau. Calibou, bientôt ils voudront ma peau. Yous, bientôt ils voudront ma peau. Go Fast Music. France, on va bien l'accueillir. Je me demande comment vont-ils atterrir. Les bâtards auront envie de me tenir. La question, vont-ils me voir venir. Comment vous prouvez que je rappe par plaisir. J'ai envie d'être ce que je veux devenir. En une phrase, t'es fait réfléchir. Je me demande bien. Est-ce que mes flots vont pourrir? Attention, ça dit comment me décrire? Je prendrai toujours le soin de m'entretenir. Ils seront appelés quand ils me verront mourir. Ces bâtards se mettront à m'applaudir. Je n'aurai pas les couilles de cesse que je vais écrire. Mais me reste-t-il encore des rimes en ir? J'en aurai pas marre de les voir courir. Pour rafale, je vais les amortir. Fin de la rigolade, Zucker libérable. Freine, on passe à toi. Monsieur Idrissi, aïe. Libérable, libérable, libérable, libérable. Fin de la rigolade, Zucker libérable. Ressort la mise, Vasco. LPTC, Negro System. Copa, Copa, Copa, record. Negro System, Copa, FAVA, Copa, record. Doomman, ouais, ouais, ouais. C'est A2S, Ray. Nanterre, Cité Rose. On est là, on représente, frère. Violence urbaine 4 dans les packs. Ouais, ouais, ouais. Dans les Pac-Man, anti-Pac-Man. 100% rap français. 100% explicite lyrics. Tu peux te faire soulever pas, rien pour faire des sous. Faut du courage, alors on nique tout comme des têtes. Combien d'essais à cause d'une maudite histoire merdique qui repose tous en paix, de toute façon seul Dieu est unique. Ça pinique tout suspect, madame la juge, c'est moi, sors paix. Que je filme ça et que je le mette en replay. C'est l'aimé pour vivre en France et pouvoir nourrir la famille. Combien de vieilles et de jeunes mamans ont à finir à la rue Saint-Denis. C'est pas joli, joli, mais c'est la vie, c'est comme ça, arrête de gorigoli. On oublie tout dans une vieille masse, ça c'est passé. Depuis le vent, j'enculé, terre-terre. Ouais, Chilien, ça va, ouais, Chilien, ça va. Malgré même Charia Rouya, ranime les blés, ranime un dessert. Brûle le vice de dans la citrouille. Un deck à la police, patrouille, top confiance. Tu passes à la foule, passe à la foule. Pas facile de vivre dans nos quartiers. Quartier. Un moulin, le jour se lève. Chaque jour c'est la même, les petits doivent guetter. Tu dis quoi? Un moulin, le jour se lève. Bravo, Trixma. La barre. Un moulin, le jour se lève. Se lève, se lève, se lève, se lève. Un moulin, le jour se lève. Je suis un F, je ne figure pas de chef. Si tu fumes VFF, sache qu'ici y'a pas de chef. On veut du PV, BZF, batterie, mais dans le ZF. Non, c'est vrai, je suis def, moi je vois la vie en relief. Plus de whisky, je nique la lèvre. Je me transforme en centième. La rue, c'est mon fief. Ce que t'as F, on a tous F. Un fils de pute, hein. Un abou le mahagar, un sale patin. Attends, attends, bouge pas, non, reste là, je te dis. Pas facile de vivre dans nos quartiers. Un moulin, le jour se lève. Chaque jour c'est la même, les petits doivent guetter. Un moulin, le jour se lève. L'objectif, éviter de se faire péter. Un moulin, le jour se lève. Se lève, se lève, se lève, se lève, se lève. Un moulin, le jour se lève. Du terre-terre, des terres, tout emprisonné. Nique sa mère, plus rien ne peut m'étonner. H24 en l'air, la vie m'a cogné. Sans jamais renier d'où l'on vient. Abonné au larcin, on veut de la monnaie. Aimer bien cette scène qui nous a donné le sein. Au sein du clan des vertireurs, si j'ai grandi comme beaucoup. Un bandit reste un bandit à vie en mode kikiké. Comme son coco, comme je vous. Souvent sous, seul et sans sous. Le cerveau sans sous-dessous. J'ai acheté des kikikés carrés. Moi je fais pas de jujitsu. La chatte à Katsu, riche capitaine pirate. Batsuki, c'est la patate, la survie, la harpate, la condi. Alors se dit à roi, rien que de la merde. Joue pas au malin, fils de pute, tu risques de perdre. Car c'est l'homme qui a peur. J'me sur le podium, sans ascenseur, sans ascenseur. Tous ces suceurs, pour réussir, faut être un bosseur. Un boxeur, un hargneux comme un putain de dog argentin. 100 grammes de bleu dans le mixeur, j'suis un vrai algérien, algérien. Pas facile de vivre dans nos quartiers. Un moulin, le jour se lève. Chaque jour c'est la même, les petits doivent guetter. Un moulin, le jour se lève. L'objectif, éviter de se faire péter. Un moulin, le jour se lève. Se lève, se lève, se lève. Le jour. 100% rap français. 100% explicite lyrique. Écoute bien. Violence urbaine, je suis encore vivant, c'est une aubaine. C'est R.I.M. Chacha de t'en veut nous mettre en quarantaine. Les galères chez nous se comptent par centaines. Sale, je m'étonne des coups frigos qui sont du 6ème. D'âge 2C, tu me connais sur Berry. Je vole des cartes, je vends de la C. Je baisse le 36 car souvent ma porte est cassée. Tu m'as porté la poche à l'eau, ma cela n'est pas passé. C'est Chacha. D'âge 2C, le passé c'est le passé. On a quoi de fracasser. À la casse par du vin, on a le cerveau cassé. Élevé à la tchourava, la bicravée au fricassé. Sale bâtard, je veux peser comme le Qatar. J'ai baisé le business comme une pute dans son camtar. Demande à Tartare, je me lève tard, je me couche tard. Car je vois toutes les deux gars dans tous les bars de fêtard. Moi c'est Chacha, et je mène une vie de pacha. Normal, je fais voyager cette carrière de Natacha. Fou, je lâche un gros crachat. Ceux qui me portent la poisse comme Aïcha Kontoucha. Alors écoute, petit fils de Ryout, la scène aille dans la soute et bientôt sur l'autoroute. Écoute, écoute, faut que je casse la croûte. Car j'ai pas de diplôme et que j'ai pas joué au foot. Écoute sur écoute, mon phone est miné. Nique sa mère dans le hood, faut être déterminé. Je suis filoche comme Titi, pas pas gros miné, car la nuit sur Paris, je viens soigner. C'est Chacha d'âge 2C. Tu me connais sur Berry, je vole des cartes, je vends de la C. Je baisse le 36 car souvent ma porte est cassée. Tu m'as porté la poids, jaloux, ma seule année pas passée. C'est Chacha d'âge 2C. Le passé, c'est le passé, on a droit de fracasser. À la casse par du vent, on a le cerveau cassé. Élevé à la tchourava, la bitrave et au fricassé. Se retrouver à la santé, à cause d'un vieux truc pété. De toute façon, y'a rien à regretter. De toute façon, hiver comme été, c'est la merde sur le rinté. Et y'a plus rien à gratter. Sale tapin, laisse-moi faire mon pain. De vol en vol, du sais dans Marseille. Moi, je vais droit au but. Comme Jean-Pierre Papin, fils de pute, je veux du pif. Du pif, j'en veux plein. Maman, ça charge le cul de Martine. De retour Martinique, on t'nique, c'est pas un gars clean. Moi, je m'incline. Que devant Dieu qu'il me pardonne si j'ai arraché ta charge. D'âge de violence sur peine 4 dans les bacs. On les soutenir, on les pêcheurs. 36 car souvent ma porte est cassée. Tu m'as porté la poids, jaloux, ma seule année pas passée. C'est Chacha d'âge de c'est le passé, c'est passé. Chevaux. On a droit de fracasser. À la casse par du vent, on a le cerveau. Dédicace cassé. À ta tâche, ta sang. Avant la bitravée au fricassé. Bande de fils de putain de vos mères, la reine des putes. C'est tout illicite, vas-y pute le pute le. Avant qu'il pute, depuis petit c'est la chute libre. Voilà pourquoi j'achète calibre sur calibre et les craquets vides. Pourtant je suis qu'un mec comme tout le monde. Combien de mes bras gardés c'est qu'elle du béton. Quand les décons font leur honte, j'explose comme une bombe atomique. Carbure à la vodka tonique, aux joints supersoniques. Je t'explique, moi je rêve de pillage, de jacuzzi. Et chaque jour sur le parvis je joue le match de ma vie. Et vis-à-vis de la police nationale sur laquelle je pisse et repisse car je trouve ça normal. Je suis cramé, frère j'ai trop ramé. Nique leur père, eux et leur mandat damné. Un kilo damné. Et je remonte la pente. Vite, vite, avant qu'une pute me vende. Chacha d'âge 2C. Tu me connais sur Berry, je vole des cartes, je vends de la C. Je baisse le 36 car souvent ma porte est cassée. Tu m'as porté la poids, jaloux, ma seule année pas passée. C'est Chacha d'âge 2C. Le passé, c'est le passé, on a droit de fracasser. À la casse par du vent, on a le cerveau cassé. Élevé à la tchourava, la bitrave et au fricassé. C'est la nocturne 100% rap français avec L.I.M. Ouais. Violence urbaine 4 est dans violence les bacs de violence urbaine 4, on se met en mode violence urbaine, en mode tout illicite sur H2C, Sky, c'est ça à l'instant. Voilà, c'est le titre H2C, c'est Chacha, grosse dédicace à lui, frère d'Henri Chevreau. Ramène ta gueule mon pote, viens nous voir, ça va rater. Avec L.I.M. Hein également sur ce morceau. Voilà. C'est sorti, on peut cliquer pour récupérer violence urbaine 4. Exactement, on peut le pécho partout. 50 morceaux, 50. 50 titres inédits. Et tout à l'heure tu disais qu'il y en a encore 30 qui arrivent. Il y en a 30 qui encore. Qui arrive là, j'ai une petite exclu aussi pour vous. Je vous ai ramené ça, l'exclu des Sens Nino, membre de Mauvaise Langue. All Eyes on Me, je crois, c'est comme ça. C'est le ça titre. Ouais. Moi, je All parle pas trop anglais, tu sais, mais on va se faire plaisir. On va écouter ça et juste après, on va se mettre aussi un morceau de violence sur Ben 4, celui des frères de Roubaix. Grosse dédicace à 59 grammes, Sammy Kaz, hein, Fianso, son refrain, tout le monde, Amel Avel, tout le Tchekar là-bas, l'Alma Gavar, mon poteau. Et ben on écoutera ça, et là c'est Sens Nino. C'est ça. Sens Nino. All eyes on me. Moi c'est Sens Nino. Du son moi 8-0. Sens Nino. All eyes on me. Moi c'est Sens Nino. All eyes on me. Sens Nino. Follow, follow me. Moi c'est Sens Nino. All eyes on me. Sens Nino. Follow, follow me. Enfant de la rue, enfant de la rue, enfant du ghetto. Oh moi j'ai toujours cru dans ma plaquette de pédo. Sur terrain tu m'as vu, on m'appelait l'escro. Mon son tu l'as entendu, Sens Nino. Attiré par la musique, les concerts. Freestyle ça me concerne. À l'époque de Big Dom Boulot, aujourd'hui je me conserve. Du concert et le top départ. Faut que je croque bâtard. J'allume ma clope et peu stop bâtard. Gosse d'un HLM, famille nombreuse. Ni quel système rendra ma vie heureuse. À l'écart des stars, des strass. Une paillette à la tête, on esquive les stars. Et même tard, on prend des risques pour nos assiettes. Moi c'est Sens Nino, all eyes on me. Sens Nino, follow, follow me. Moi c'est Sens Nino, all eyes on me. Sens Nino, follow, follow me. Moi c'est Sens Nino, all eyes on me. Sens Nino, follow, follow me. Moi c'est Sens Nino, all eyes on me. Saint Nilo, follow, follow me. Moi ce que je veux, faire de la monnaie. Rien à foutre même si on me reconnaît. Je suis froid frère, hier j'ai galéré. Au pont de ce là où tu pourras me repérer. Moi ce que je veux, faire de la monnaie. Rien à foutre même si on me reconnaît. Je suis froid frère, hier j'ai galéré. Au pont de ce là où tu pourras me repérer. Hey. Moi c'est Saint Nino, all eyes on me. Saint Nino, follow, follow me. Moi c'est Saint Nino, all eyes on me. Saint Nino, follow, follow me. Moi c'est Saint Nino, all eyes on me. Saint Nino, follow, follow me. Vous dédicace à Block Sports. Mauvaise langue, le nom de mon gang. Aïe, Kaiser, Furax. L'élevé. Aïe. Barry Keno, Scanner, Vache. All eyes on me. Sentino, all eyes on me. Biggie, Killer, Muller. La Planète Rap. Sur Skyrock. Turne. Place your bet, Annan, roi and Henriette. Lookin' their back, Annan, deal la E17. Mal 307, roi on léche les nénettes. Ouais, ouais, ouais. On verpen, on fait le tour, on fait quatre fois le tour. On sent pas nos pieds, on a pas mal aux pieds. 50 euros, on va niquer une de pu. Une pipe, je la nique, on le vrai, tu craches dans son cul. Ouais, L-I-M-A-N-D. Ouais, ouais, ouais. On perd pas les normes, souvent condamné à tort. On a le mort mort, comme un mort mort. On tente que le trappe le sort mort mort. Y'a de la libre, de la kahla, de la petite sotla. Des cris, des halwa, bienvenue à l'alma. Oh my god, c'est le bordel depuis 82. C'est vrai que parfois on court, on n'a pas le choix devant 80 bleus. Chez nous, 20 guerres louches, ça vaut 80 blancs. Et on vit dans le rouge de 15 à 80 ans. Laisse couler le sang pour faire gicler le sang. Ça donne des sensations, ça vient du 59 cent. Trop puissant. Quand on pousse la pression, on est pressé pour les précis où on est présent. Chicken mange pur et fait sur le ciment. N'attends jamais de félicitations, de remerciements. Quand vous cramez l'instru, direct on s'y met. Achat ou chimé, envoie les MC en chimio et sinon. Quoi de neuf depuis votre série de ciné? Roubaix c'est chez nous, c'est chaud, les fachos sont décimés. 59 jeux en AD, les protos assassinés. Violence urbaine, la rage sur nos visages est dessinée. On perd pas le nord-nord, souvent condamné à tort-tort. On a le mort mort, comme un mort mort. On sort que le crapule sort mort mort. Y'a de la halib, de la kahla, de la petite sotla. Des cris des halwa, bienvenue à l'alma. Fi khatar, ouled el-houma. Mon feu aussi dans le tête à tête. On a ce côté soif de sang qui fait qu'on le finira par terre. Ira par terre, ira par terre. T'as vu la rue nous a forgé. Ferme la porte, bâtard. Le passage, on va le forcer. Chez moi, on est tous passés par le rap. Ça m'arrête, j'ai pas dérogé. Frère, t'as vu, j'ai jamais hal. Quand on m'a interrogé, connexion roubée au tienne. Cocktail molo kérosène. Quadruple violence urbaine. Charles Schmitt, on te guerre. À la gare, on sonne. Tu veux la guerre, on te saigne. Les vrais bonhommes s'informent. Les batteries français, c'est pour ceux que défraînent la santé, bois d'arrêt fleuri. J'ai cantiné des stylos, j'attends toujours que l'avenir fleurisse. Pour réussir ta vie, j'irai jusqu'à niquer la mienne. Fils de pute, insulte ma mif, je niquerai celle qui a fondé la tienne. J'ai pas les mains faites pour l'or, j'ai les mains faites pour bâtir. Quand t'es dans la merde, y'a pas un bâtard pour combattir. On perd pas le nord-nord, souvent condamné à tort-tort. On a le mort mort, comme un mort mort. On sort que le crapule sort mort mort. Y'a de la libre, de la kahla, de la petite sotla. Des tripes des halwa, bienvenue à l'alma. Fi khatar, ouled el-houma. Hey Aliya, j'bête dans les violences urbaines. Violence urbaine, j'bête dans les violences urbaines. Je te décris la vie qu'on mène terre à ben des dos de dur. Frère, je t'écris ma vie de rêve, il a mon écosse, grosse voiture, gros voiture. on galère, tu capes ton Saturne. Gros joint de bœuf, ma galère mêle cap vers Saturne. Avec une arme on s'assure, des 15 piches ça s'assume. Rapate, ça slalom, ça s'allume, c'est le saloon. Dans la rue depuis un bail, mec on voit pas le bout du tunnel. Vodka burn, j'fais mes bails, j'suis presque au bout de ma bouteille. C'est chez nous que tu te ravitailles, Pérou ma capitale. On a pu dans le capital, c'est l'asile, c'est l'hôpital. Docile est l'animal, quand j'brandis le métal. Mon 5-9 c'est fatal, mes bandits t'étalent. J'étale nous dans les bras, puis nous déclenche des schizos. Abra, cadabra, comme Ibra, j'mets le ciseau. Ratatata, c'est la cata quand j'prends le micro. Ratatata, violence sur bête, L.I.M. Ro. On perd pas le nord-nord, souvent condamné à tort-tort. On a le mort-mort, comme un mort-mort, on tente que crapule sans remords. Y'a de la halide, de la kahla, de la beuh du sotla. Des tripes, des halwa, bienvenue à l'Alma. Fi khatar, ouled el houma. Hey Aliya, j'pète dans les violences ou bête, violence urbaine. J'pète dans les violences ou bête, violence urbaine. L.I.M. Violence Urbaine 4 est dans les bacs. Ouais, ouais, ouais, ouais. Téléchargement légal aussi. En téléchargement en tout azabi. Voilà. Wow. On écoutait le Nord à l'instant qui représentait aussi. Ouais, Roubaix, c'est ça, ouais. 59. Grosse dédicace à l'ancien aussi. À tout le monde de là-bas, hein. Donc on est avec vous, hein. Et maintenant, pour info aussi, je serai dans le sud, là. Je serai lundi soir, le 27. Je serai à la Marquise à Lyon. Donc du côté de Lyon. Donc du côté de Lyon, grosse dédicace à Cornemuse, Corbac. Hein, t'inquiète, on va débarquer foutre le zbeul là-bas. On va faire quelque chose de bien. Je vous donne tous rendez-vous. D'ailleurs, on va écouter le morceau avec les Lyonnais. Avec les Lyonnais qui s'appellent Gédu. Gédu, c'est ça. Il y a un des frères qui est au Star. Grosse dédicace à lui. Et voilà, on finira quoi. Avec le après un petit, ouais, on a fait un petit freestyle là dernièrement, on va finir avec ça après, histoire de faire plaisir à tout le monde, tous ceux qui ont participé à ce projet. En tout cas, merci à tous les artistes qui ont participé à ce projet. Dommage, voilà, on n'a pas toute la nuit, sinon on aurait fait tourner tout le monde aurait pu écouter son truc. T'as capté, donc en tout cas, on est tous ensemble. Violence sur 24, enfin c'est dans les bacs après toutes les galères qu'il y a pu y avoir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vous soutenir et aller le pécho au maximum. L.I.M. Voilà. Violence Urbaine 4. Voilà. Et... Dis la plaque, qu'on les baise. Dis la plaque, qu'on les baise. Dis la plaque, qu'on les baise. Dis la plaque, qu'on les baise. Moi, j'ai du sortir le clash. J'ai du sortir le clash. Pour faire du bif dans mon plat. Pour faire du bif dans mon plat. Les cœurs fleurs qui montent fort. Les cœurs fleurs qui montent fort. Et ça, depuis les bois. Et ça, depuis les bois. Moi, j'ai du sortir le clash. ندير فلوس مع خوتي نجبد الناس صوب بيدي غير سمعي لي يا ميتي مريسكي وندي عسلة لا لا لا لا لا نقلا بوليس فولا حالة لا لا لا لا لا صافي صافي ضرب الغبرة لا لا لا لا لا بالعالي بوني مطانة لا لا لا لا لا J'ai troisième film de cul comme sur Canal Abra Coca qui le fera. Rouleau de 100 000, histoire banane, penche cayenne. Histoire banane, flac et chiste, j'monte sur banane. Équipe de rachot pour Bala pour une vie. Histoire toute banale, voiture allemande, cash payé. Au diable, neuf grâce payé. Interdiction de faire marche arrière, c'est les pauvres. 38-7-3-0-1-0-16-26-4-2-6-9. Ronald, plateau, nord. Violence urbaine jusqu'au 9-2. Bordel net noir, tu vas te brûler les yeux. Demande ta route à un aveugle. Ou manœuvre ta vie de tout ce que l'État vole. Paye ta vodka pure pour qu'elle fuite. Fouette la piste pour tous les innocents fermés entre quatre murs. Et crapule le reste tapis. Dans l'ombre, les dents longues, vampire assoiffé. Du coup on m'en compte quand on s'emboit ta santé. Lyon c'est Gotham City. On t'asphyxie avec la puanteur. Des remontées, des goûts, on t'égoutte. Moi j'ai dû sortir le clash. J'ai dû sortir le clash. Pour faire du bif dans mon plat. Pour faire du bif dans mon plat. Les cœurs fleurs qui montent fort. Les cœurs fleurs qui montent fort. Mais ça depuis les bois. Mais ça depuis les bois. Moi j'ai dû sortir le clash. J'ai dû sortir le clash. Faut que t'es comme à Woodstock. Faut que t'es comme à Woodstock. Faut que j'croque sans qu'on croque. Faut que j'croque sans qu'on croque. Et faut que j'écoute tout mon star. Et faut que j'écoute tout mon star. Ouais, ouais, ouais, le temps s'acharne, on passe du demi au kilogramme. Sajan City, c'est ghetto drame. Regarde mon cellulite sur crâne. Balaf marqué par la vie, on baise les codes sans préavis. Si mon pote appuie sur la détente, Bino sera sans permis. Le décor est hardcore, celui qui croit il est mort. B-I-N-O, je représente tous mes ghettos youths sous le perche. Et on passe, passe, passe, corbin 51, on s'accroche. Nique ta mère, la puce 69 sans rapport de porte. Je suis dans la salle délire. J't'annonce à tous les on les dit, le transformé par étant dollars. C'est le mode de vie, ouais les Moldavies. C'est bien que Moldavie. Les frais s'allument, ils sont motifs. On a la dalle, donc on deal. Mais tout toi les on dit. Ça me dirait de voir des putes sur les bandits. Le job s'habille en Prada. Les anges en Armani. Qu'est-ce que tu trouves? Fais des boules en I au ralenti. Moi j'ai du sort, tire le clope. Moi j'ai du sort, tire le clope. Faire du bide dans mon bloc. Faire du bide dans mon bloc. Les gars fleurs qui mentent tout fort. Les gars fleurs qui mentent tout fort. Et ça depuis les bois. Bien fou, c'est ma grandie. Leurs portes, ils sont bidis. Ils se méritent à me dire. Qu'est-ce qui ont mis à cela? La nique de police fout la hala. Cornemuse, Donovan. Maréchal. Et un jour mon fils pète la tâche de poil du corps. Selon la calculée on t'écuse des creux. Donc requin trop pour que j'ai nos tous fait les cils. Tout ton rap gueule sera traîné par les cheveux. Rap ghetto youth, fuck ton hip hop de pute. C'est nous les anges, c'est vous les cheveux. Pour nous marquer à la l'armour. À la calcaire, son marque le dos. T'écris, j't'écris mes peines. Les petits frères crient dans des transfos. J'm'en pète de coups passer dans ta radio. Ou on transfo. Violent du rap, tire le clash. Pour faire du bide dans mon bloc. Pour faire du bide dans mon bloc. Les gars fleurs qui m'ont tout fort. Les gars fleurs qui m'ont tout fort. Et ça depuis les bois. Et ça depuis les bois. Moi j'ai dû sortir le clash. Moi j'ai dû sortir le clash. Faut t'es comme un Woodstock. Faut t'es comme un Woodstock. Faut que j'croque sans qu'on croque. Faut que j'croque sans qu'on croque. Et faut que j'écoute tout mon star. Et faut que j'écoute tout mon star. Et les gens sont la cité. Bien fou c'est ma grandie. J'peux tenir si son pédier. Il est sembré les amédier. Mais les skis ont dit à cela. La la la la la, nique la police fou la hala. La la la la la, ça fume ça, t'y veux pas le gabra. La la la la la, blani tourné mon tana. La la la la la. Planète rap 100% rap putain, français. Je rêve que Marine Le Pen me suce la bite, mon pote. C'est vrai ou pas? Bah, je suis mon frère, Marine Le Pen, wesh. Ouais, c'est vrai, t'as raison, elle est pas belle. C'est une vilaine, mais... Wesh, photo, qui t'a dit que j'étais rappeur? Ma vision, elle est chaotique. Passe-moi un gueule, une cagoule, tu vois comment je me fais des. On m'a dit, Moha, ils font un rap modéré. Moha, c'est très. Amen, t'as reçu, je vais lui donner avec modérance. Qui t'a dit de m'écouter? Avancé, va paniquer. Je suis Ricard, la tête au pied. Abside, faut te niquer. Si les petits sont broliqués, L.I.M. lève son brochet. Comme un vrai galérien, un des plusieurs. Mais chez quel, je suis un vrai algérien. Si on tombe, on tombe seul. Chez nous, trop souvent pour rien. Nique leur père, la pute, même leur chat de leur mère pour rien. Violent choupette, c'est ma vie. Pourtant, j'ai rien de plus que toi. Juste deux, trois plus. Mais crac, on chute deux, trois pour que crac. Ça sent la tête pas. Ici et là-bas, Rikpou, Apitazba, en tout cas, ça va, moi. Moi, un vagabond, parce que je viens d'ailleurs. T'as reconnu l'empreinte, la voix du voyageur. Sakoto, j'ai bourlingué dans vos bourgades. Un nomade, un danseur, j'emmène en balade. Minuit passée dans le jardin du mal. En quête d'une proie, on chasse comme un animal. Tête pensante, avec un penchant pour les substances. Marche comme un névrosé, donc garde des distances. Un œil sur le monde, sans être son nombril. J'dors sur un baril de poudre, le cœur fébrile. J'ai plus d'un millième de conscience. Mandat L.I.M., la plume aiguisée. J'écris vos prochains films. Attends-toi un cortège de ouf le jour de ma mairie. Confonds pas l'officiel et les petites prises d'une nuit. La pousse, sois sûr qu'on parle pas de baguette. À 2, 3, 4, 5 mètres, ça rapide, taille ton tiex. Prends du poids durant jour. Et v'là qui sentent la patate, ils vont tomber tour à tour. C'est juste une question de time. Tous ceux qui jacassent viennent, je vais leur faire bouffer leur mère. Dito raciste des renois, je baisse lanceur, j'encule leur mère. Pas nous en l'homme d'euros, on n'a pas tant à faire. Les decks sont bien trop chauds, les juges incarcèrent. AMG, Merco, Fop, Hollande, Sarko. Noir, Brillance, Tarko, Lunette, Noir, Rolls Royce, Fantôme. trafiquant un terrain, relique sous la table, clévis sur la table, rebuer la cam, j'en place une big à l'heure à L.I.M. Camtar, je te charge les mules de Tosma, prêt à tout, j'ai là. J'ai vu mon frère se mettre à dealer pour améliorer son crédit. J'en ai vu d'autres se défiler, prendre à taille sur le parquet. J'ai vu cette mère de famille crier quand la police embarque son petit. Trop plan douce pour rapatrier, durer le retour au pays. J'ai vu cette petite bébé parce qu'elle avait trop bu. J'ai vu cette petite fonceur et finir en garde à vue. J'ai vu se faire mourir du monde. Pourtant, on l'avait prévenu. Faut jamais faire confiance au côté. Quartier fédéral des Théoens. Même la violence, le bif et les filles, espoir, les routes, nos rues, les centres, villages, huit esprits sélectifs. La substance du bif est illicite. Au bif, on a plus d'une esquisse. La rue, ma cicatrice et ma plume, une esquisse. On accumule les titres. Marine du sol au stud, elle passe. Crash arrache en violence sur Ben 4. Le KF musique dans ta tête tout de suite. Le rap assassine. Et même quand on passe pour des rapaces, ça plie. Tous les jours que Dieu fait, je dis crap. Dieu merci, j'esquive la garde. Sans limite, les bits sont balades. Je fais ce qu'il est, cap des poucas. J'ai la tête du coupable. Je m'en bats. Dans ma tête, c'est Bagdad. Je m'en bats. Un attentat, je m'en bats. Rabattre au jus de bagarre, c'est la hagra. T'es en hasla. Tu ne penses qu'à faire du sale. C'est la dernière qui nous pousse dans l'illégal. Même si on n'a pas de chance, faut tout ce qu'on graille. Faire un match de maille parce que tout dans la balle. J'ai d'un foncé, c'est pas maintenant que je vais me fiancer. Prêt à tout défoncer les bancs, je vais les enfoncer. Sourcils foncés, mais putain, qui veut m'influencer? JPZR, misère, moral vagabond. Abdel Alien, JP du check, simple tout simple. Alpha, Gabus, cram, cram. Le drame ne vient, femme, femme. De Val, flop, paname. J'en place une pour Kamta. Rien que ça bombarde malgré les jurophares. À qui tu nous compares, connard? On ne rompt pas, tous au combat. On me tente pas, comprends, j'ai la haine dans le sang depuis enfant. Faut pas que tu confondes, c'est nous seul profond. Violence sur 24, c'est pas comme pisser dans un violon. L.I.N. JPZR, misère. Trop d'émeutes ont éclairé nos nuits. Il pleut des formules et refrains dans le four au pas de parapluie. Devant la juge, peu chance de s'en sortir. J'ai grandi avec peu et j'ai pas perdu le sourire. JP du tien. Violence urbaine, la violence est quotidienne. Derrière le mic, lâche des missiles comme une arme sicilienne. Dealer L.I.N. Le 7-8, c'est ma provenance. JP du check, soldat légendaire. Tous les quartiers de France, plus rien n'est franc depuis le chante tous les villes. La justice, le combis, comme les plus de camp des euros. Les gros pas tout pico, c'est pas des mots du Dico. Allumez vos cocktails, direction le comico. J'ai vu des voitures tomber au sol. Rien fallait pour des gros sommes. Qu'est-ce qu'il y a des consoles? Crachez moi elle en concert. Y'a des ronds, y'a des bras. Gauche, droite, tu pas des bars. Y'a ceux qui brassent des bars, ceux qui jactent à la cage des bars. J'viens d'un bout comme l'Imsa. On s'en fout, ainsi y'a Haja. Toujours par autre, t'as mis celle-là. Maribé à Koya. Shreki, si ça rétire, rétire. Trop de soucis, y'a pas de répit. La frappe, la rebut. Dans la rue, on s'est tous perdu. 2-3 has-bae, tu finiras pendu. 2-3 has-bae, tu finiras pendu. VU4, Abdel Alien. Moi j'ai grandi dans le Zbulkan en vrai galérien. Un des buzzers, mais chez quel je suis un vrai algérien. Si on tombe, on tombe seul. Chez nous trop sont morts pour rien. Nique leur père, la pute, même leur chatte de leur mère pour rien. Violence ou peine, c'est ma vie. Pourtant j'ai rien de plus que toi. Juste 2-3 bus, mais crac comme je suis 2-3 pour 2 crac. Ça sent la tête pas. Ici et là-bas, tout à tout casse-bas, en tout cas ça va à bas. Violence urbaine dans les Batman. Violence urbaine dans les Bat. Violence urbaine Van Pecho. Violence urbaine Full Spell. Violence urbaine 4 dans les bacs. Le rap français.